aujourd'hui disent que de platine, j'ai leur sauce dans les dents. Elle faisait que de m'appeler, mais moi j'avais pas le temps. Un de poteau, y'a les civils et j'ai trop d'alcool dans le sang. Ok, toi t'es dans le sang, tu sais qu'on s'est mis dans le fond du secteur, c'est moi dans le sang, du conscient, même du dansant. T'es sorti en permission, tu voulais voir le fiston, mais t'avais trop de missions, t'es tout le temps au charbon. Eh oui, le sang. Me connaissant, moi je le sais. Un nuage de feu, une marée de braise. L'arrêt de 13, j'ai la VS. Le con du neveu, la plage je la baise. Et je suis dans le jazz, dans la PS. Change pas d'amis, je touche pas de famille. J'ai pas le soleil, je n'ai pas carré. Oui, je fume, je bitume, si tu me trahis, je t'ai pas le soleil. On réveille tout le quartier. On arrive tard, on part tôt. Je suis au fond du cœur, on a pleuré quand ils ont tué Marteau. On a pris la claque de trop. Si tu cherches des problèmes, blague nous gros. La ferme c'est nul, j'ai vu le frère en cellule. Il faut que je sorte la petite. On a bougé en équipe en TGV, voiture, avion. Cette année c'était physique. Comme ça tu je mets mode avion. Ça ressort les vestes et laisse. Faut pas qu'il me fasse l'alcotest. J'étais un mauvais élève, j'ai réussi que le narcotest. C'est la vida, la vida. On se quitte la santé parce qu'on est bizarre. C'est la vida, la vida. Khalif Nabjika a franchi musique. Eh oui, le sang.